tu m'as appris. Je suis dans la ville, minuit pile. Musique tourne, ceci est coup de fil. Faut les mots, t'avais les mots. Et quand tes soirs où je les analyse, j'entends ta voix, je me canalise. Y'avait un jet, tu l'as dompté. Beaucoup de souvenirs viennent me hanter. De cette longue phrase, t'es le mot clé. Depuis le début, je me suis plantée. Mais ce soir, je réalise que t'avais raison, mais c'est dur à dire. Je pourrais jamais me faire pardonner. Elle s'est mêlée, mêlée, mêlée. Faut être puissant pour l'arrêter. Je l'ai vu crier, pleurer, pleurer. Faut être puissant pour m'arrêter. Très souvent, je te délaisse. Manque de tact pour te dire mes peines. Je pars en guerre et je traîne. Faut le trésor pour que je revienne. Mais le temps va si vite. Il se met à tester mes nerfs. La tête, si elle tombe, dis-moi qui va rester. Elle s'est mise.